les grandes espérances, de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. Premier épisode. Mon père s'appelait Pirip. Je parle sous le contrôle de sa pierre tombale et de ma sœur, Madame Jo Gargerie, la femme du forgeron. Je fus prénommé Philippe comme lui, mais pour dire qui j'étais, ma langue enfantine ne sut jamais aller au-delà de Pipe. Le nom m'est resté. Je n'ai jamais connu mes parents. Je me suis donc inspiré de la forme des lettres sur leur tombe pour me représenter mon père comme un brun, costaud, aux cheveux bouclés noirs, et ma mère comme une créature fragile avec des taches de rousseur. Quant aux 5 losanges en mémoire de mes 5 petits frères qui avaient renoncé exagérément tôt à gagner leur pain et à se jeter dans la mêlée générale pour la survie, ils m'ont persuadé qu'ils étaient nés tous les 5 allongés sur le dos, les mains au fond des poches sans jamais les en retirer de toute leur courte existence. J'avais 9 ans. Le soir tombait, c'était la veille de Noël, j'étais devant la tombe de mes parents et soudain, tout me sembla précisément défini. Cet endroit sinistre envahi par les ronces, c'était le cimetière. Mes 2 parents, Philippe et Georgina Pirip, y étaient bien enterrés comme leurs 5 petits garçons. Le plat paysage au-delà du cimetière, c'était les marais. Le trait de plomb au loin, c'était le fleuve. L'étendue sauvage d'où le vent accourait, c'était la mer, et le paquet grelottant de sanglots que tout cela terrifiait, c'était Pipe. La ferme! Faut pas qu'on t'entende, t'entends? Si tu bouges un orteil, petit démon, je te tranche la gorge. Oh non, s'il vous plaît, monsieur, ne la tranchez pas! C'est quoi ton nom? Allez, grouille! Pipe, monsieur! Ouvre la bouche, que je t'entende. Pip, pip, monsieur. T'habites où? Montre. Je pointai le doigt, mais l'homme m'attrapa par les pieds, l'église bascula cul par-dessus tête, et un vieux quignon de pain tomba de ma poche. Quand l'église retrouva son aplomb, j'étais agrippé à une pierre tombale, et lui dévorait mon pain. Mais elle est où, ta mère? Là, monsieur. Ah. Et c'est ton père, là, avec elle? Oui, monsieur. Avec qui tu vis? Pour le cas que tu resterais vivant, c'est pas encore décidé. Ma sœur, monsieur. Madame Jo Gargerie, la femme du forgeron. Un forgeron. Dis-moi un peu... Garde bien en tête que pour toi, c'est une question de vie ou de mort. Tu sais la gueule que ça a, une lime? Oui, monsieur. Et la boustife, tu sais la gueule que ça a? Oui, monsieur. Tu vas m'apporter les 2, la lime et la boustife. Sinon, je t'arrache le cœur et le foie. Si vous voulez bien, s'il vous plaît, monsieur. Arrêtez de me secouer. Ça m'empêchera peut-être de vomir. Je vous entendrai mieux. Demain matin tôt, à l'église du cimetière, tu m'apportes tout comme j'ai dit. Mais si tu fais pas tout au poil comme j'ai dit, si tu t'avises d'en jacter à n'importe qui que c'est, ton cœur, ton foie, on va te les arracher, les rôtir et les dévorer. Gaffe, parce que je suis pas tout seul. Il y a un gars avec moi. Si tu le voyais, en comparaison, je suis un ange. Et crois-moi que même là, j'ai un mal de chien à le retenir. Et je peux te dire qu'un garçon peut toujours s'enfermer à clé, tirer sa couverture par-dessus sa tête, bien au chaud, à l'abri, comme il croit. N'empêche que mon gars, il le trouvera. Il s'amènera sans bruit au milieu de la nuit pour l'éventrer et lui arracher les tripes. Qu'est-ce que tu dis de ça? Que je ferai tout comme vous avez dit, monsieur. Et maintenant, file. Passez une bonne nuit, monsieur. Pour ça, il faudrait que je sois une grenouille ou une anguille. L'homme disparut entre les tombes, maculé debout, tout de gris vêtu, un chiffon noué sur la tête, traînant les fers à ses pieds. Les marais n'étaient plus qu'une épaisse ligne noire, et le fleuve une horizontale à peine moins sombre. Et sur le ciel, strié de furieuses lignes rouges et de traînées noires, se découpaient les silhouettes du phare et du gibet où un pirate avait été pendu. Je courus d'une traite jusqu'à la maison. Ma sœur, Madame Jo Gargery, avait 20 ans de plus que moi et une belle réputation dans le village pour m'avoir élevé à la main. Je ne savais pas ce que cette expression voulait dire, mais ma sœur avait la main lourde et impitoyable et son mari, comme moi-même, en faisait régulièrement l'expérience. Je considérais que nous étions tous les deux élevés à la main, comme ils avaient été mariés tous les deux à la main. Jo était un type gentil. Un innocent au caractère doux, aux yeux d'un bleu si pâle qu'on l'aurait dit mélangé avec leur blanc. Il avait la force d'Hercule et sa faiblesse aussi. Quand j'arrivais en courant, la forge était fermée et Joe était assis tout seul dans la cuisine. Et voilà, Pipe. Ça fait une douzaine de fois que Madame Jo est sortie de chercher. Et le pire, c'est qu'elle a pris Chatouille avec elle. Chatouille était un morceau de jonc devenu tout lisse à force de collision avec ma carcasse. Elle s'est assise levée. Elle a chopé Chatouille et elle est partie sur le sentier de la guerre. Il y a longtemps, Joe? La dernière fois, c'était il y a 5 minutes. Oh! Hé, hey, je l'entends qui arrive, mon vieux! Vite, cache-toi derrière la porte! Et fourre-toi derrière l'essuie-main! Toujours pas rentré, le petit salopio. Qu'est-ce qu'elle a, cette porte? À coincer comme ça. Ah! Te voilà, petit singe. Tu croyais m'échapper, hein? Ou que t'étais tout le temps? Tu vas répondre oui. Tu sais quoi? À me ronger les sangs, à me faire du mouron, du souci, oui. Et toi, Jo Gargery, t'as donc rien à dire? Tu veux pleurer avant que je me lève? Passe derrière ma jambe, Pipe. Pas la peine de te cacher derrière l'autre. Hein. Je te délogerais de ton coin si t'étais 50 pipes et lui 500 Gargery. Alors tu réponds, d'où tu viens? Je suis juste allée au cimetière. Ah, manquait plus que le cimetière à cette heure. C'est moi qui vais y finir au cimetière avant l'âge. Et vous aurez l'air malin tous les deux quand je serai plus là. Tout en se lissant les favoris, Joe me regardait par en dessous comme s'il s'efforçait de visualiser la situation dans le triste contexte annoncé. Et Madame Joe commença de préparer nos tartines de beurre pour le thé. Pourquoi il donne du canon, Joe? C'est pour dire qu'il y en a un deuxième dans la nature. Ça veut dire quoi, Joe? Un évadé! Un évadé! Un deuxième quoi, Joe? Oh, ça. Regarde. Tu vois, Pipe? C'est qu'à la nuit tombée, il y en avait déjà un dans la nature, et là, il y en a un autre. Il donne du canon pour prévenir. Mais quel questionneur celui-là! T'as pas envie qu'on te mente? Eh ben pose pas de questions. Madame Jo, j'aimerais bien savoir, si ça vous ennuie pas trop, d'où viennent les coups de canon? Des pontons! Et s'il vous plaît, c'est quoi les pontons? Tu lui réponds une fois, il t'en sort douce de mieux des questions. C'est des bateaux-prisons. Je me demande bien qui on peut mettre sur ces bateaux-là. Dis donc, toi, je t'ai pas élevé à la main pour que tu fatigues le monde avec tes questions. Les gens des pontons, c'est des assassins, des voleurs et des faussaires. C'est que de la canaille. Et ils ont tous commencé en posant des questions. Et maintenant, au lit. Je n'avais pas droit à une bougie pour monter dans le noir. ma tête me tournait d'avoir joué les tambourins sous les doigts de ma sœur au rythme de ses derniers mots, et j'étais accablé de terreur. J'avais posé des questions, j'allais devenir un voleur, j'étais bon pour les pontons. J'éprouvais une terreur mortelle de l'homme qui voulait m'arracher le foie et le cœur. J'éprouvais une terreur mortelle de mon interlocuteur entravé, et je ne pouvais rien espérer de ma toute puissante sœur qui me rabrouait à chaque occasion. Peu de gens savent le poids du secret chez un enfant terrorisé. Entre les cauchemars qui me hantaient et la peur de ne pas me réveiller assez tôt, je dormis peu cette nuit-là. Au voleur. Debout, Madame Cho. Il y a un voleur dans la maison. Attrapez-le. Attrapez-le. Monsieur, c'est moi, c'est Pip. Vous êtes où ? Monsieur ? Qui va là ? L'éventreur. C'est moi, monsieur. C'est quoi dans la boutanche, là, gamin ? Du brandy, monsieur. On dirait que vous avez attrapé la fièvre des marais. Comment est-ce l'air ? Elle est terrible par ici. C'est à cause de l'humidité. La mort attendra que j'ai fini de becter. Même si je devais être pendu au gibet juste après. Je courrai plus vite que la fièvre et les tremblements. Tu peux m'en croire. Chut. Tu serais pas venu accompagner des fois ? Non, monsieur, non. On t'aurait pas suivi ? Non. Je te crois. Il n'y avait pas laissé grand-chose, dit Tank. À qui ça ? Votre ami. Vous savez, celui qui me surveille. Ah, lui. C'est qu'il a besoin de rien, cet homme-là. C'est pas l'impression qu'il m'a fait. Quoi ? Quand ça ? À l'instant. Où ça ? Là-bas. Il dormait. J'ai cru que c'était vous. Habillé pareil, sauf qu'il avait un chapeau et une cicatrice sur la joue. Là. Montre-moi par où il est parti. Je m'en vais abattre, ce chacal. C'était derrière l'église, par là-bas. Saloperie de chaîne ! Donne-moi la lime, mon gars. Donne ! Si ça ne vous ennuie pas, monsieur, ce serait bien que je rentre. On attend du monde pour le souper de Noël et Madame Jo va se lever tôt. Tu peux y aller. Nous attendions du monde pour le dîner qui allait être superbe. Joe et moi dûmes avaler notre déjeuner debout, à marche forcée, comme une armée en campagne, pendant que Madame Joe se lançait dans un grand ménage. Elle savait tenir une maison comme il faut, mais possédait l'art exquis de rendre la saleté plus souhaitable et confortable que son souci de propreté. Très occupée, elle allait souvent à la messe par procuration, Joe et moi lui servant de représentants, si l'on peut dire. Ce jour-là, durant l'office de Noël, mes terreurs n'eurent d'égal que les remords avec lesquels mon esprit considérait ce que mes mains avaient fait. Oh, Madame Joe. Quand nous rentrâmes, la table était mise, Madame Joe habillée, tout respirait la magnificence et toujours pas un mot du vol accompli pendant la nuit. Le temps passa, n'apportant que l'oncle Bumblechook, en guise de soulagement, un rôle qui n'était malheureusement pas dans ses compétences. C'était un homme gras et lent, avec une bouche de poisson, des yeux ternes, un regard fixe et des cheveux clairs qui se dressaient droit sur son crâne comme s'il sortait tout juste d'une violente commotion. Un grainetier fort aisé qui conduisait sa propre voiture. Chaque année, il arrivait muni de deux bouteilles de Porto et de Sherry qu'il tenait coudes à la taille, comme deux haltères, et chaque année, il prononçait, telle une profonde nouveauté, l'exacte même phrase de salutation. À quoi Madame Joe répondait, feignant la surprise. Oncle Bumblechook, voilà qui est attentionné. Une attention mieux que méritée, ma bonne dame. Alors, tout le monde va bien? Et comment va demi-portion? Demi-portion, c'était moi. Le reste de la compagnie était composé de M. Hubble et Mme Hubble, qui avaient épousé M. Hubble quand elle était beaucoup plus jeune que lui. Et du chantre de l'église, M. Wopsle, qui prononça le bénédicité avec l'emphase théâtrale d'un Richard III qu'on aurait croisé avec le fantôme d'Hamlet. Merci, Seigneur, dans la joie et la gratitude de ce repas partagé. Amen. Amen. Amen. Tu as bien entendu, Pipe. Gratitude. Envers ceux surtout qui t'ont élevé à la main. Comment se fait-il que les jeunes gens soient si peu reconnaissants? Naturellement vicieux. J'ai personnellement trouvé notre curé peu inspiré aujourd'hui. Son homélie était d'autant plus décevante que les sujets courent les rues. Parfaitement exact, mon cher Wopsle. Il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Les sujets courant les rues, il suffit de leur mettre du sel sur la queue. Prenez le simple porc, par exemple, de la race porcine. Et ben voilà un sujet. Vous cherchez un sujet, envisagez le porc. La gloutonnerie du porc doit être un exemple pour la jeunesse. Ce qui est détestable chez le cochon l'est davantage chez le garçon. Que de raisons tu as d'être reconnaissant, Pipe. Imagine que tu sois né petit cochon. C'était tout comme enfant. Pourtant, le porc, quand il est bouilli, est également fort riche en arômes, non? Je pense qu'un peu de votre délicieux chéri, mon oncle, pour accompagner la surprise à venir. S'il vous plaît, monsieur Gargery, des assiettes propres, froides. Mes chers amis, vous allez me faire le plaisir de goûter maintenant pour accompagner le délicieux cadeau d'oncle Bumblechook. Mon pâté en croûte. Mon savoureux pâté en croûte. Apportez, apportez, ma bonne dame. Nous serons l'honorés. L'avantage avec le pâté en croûte, c'est qu'il va avec tout sans jamais faire de meule. T'as pas l'air bien. Ça va, Pipe? Le ciel me vienne en aide. Où est passé mon pâté? Pâté. Nous venons au nom du roi. Toi, tu restes ici, gamin. Où tu crois que tu vas? On va entrer ensemble, toi et moi, et toi le premier. Excusez-moi de vous déranger, mesdames et messieurs, en ce repas de fête, mais j'ai besoin du forgeron. On a besoin de Joe Gargery. Voilà du neuf. Et pourquoi faire? Nous avons rattrapé les prisonniers évadés. Ah? Joe Gargery, c'est moi le forgeron. Ces menottes-là ne fonctionnent plus. La serrure est hors d'état. Il faut m'arranger tout ça pour usage immédiat. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est parlé. Tenez-le! Il va me tuer! Calmez-vous! Il a voulu m'assassiner! C'est ce qu'il faisait! Et je serais mort si vous ne l'aviez pas attrapé! Il m'a repris parce que j'ai bien voulu! Je serais déjà loin s'il n'avait pas pris que celui-là s'était évadé! Lui, il livre jamais! Un tricheur, un filou, des menteurs, bras menteurs! Il le porte sur le visage avec ses yeux qui partent dans tous les sens pour éviter de me regarder en face! On arrête les palabres! On sépare les prisonniers! Et on arrête de faire la chouette comme un âne tentant en pipe! Crois-moi, tu peux rien pour attendre, mon garçon! J'ai quelque chose qu'il faut que je dise avec votre permission. Ce serait histoire de préciser un truc par rapport à mon évasion. Garde tes discours pour ton juge. Voilà, c'est réparé, ça. C'est histoire de ne pas mettre des innocents dans l'embarras. Vu qu'un homme ne peut pas se laisser mourir de faim. En tout cas, pas moi. Et que je crevais la dalle. Alors quoi? J'ai pris de la boustif. Venez, tu veux dire? Et là, un coup, je l'ai pris. C'était ici. Une boutange. Et puis un pâté. C'est qu'ici, c'est bien chez vous, Forgeron? Ah, j'ai bien le regret, mais c'est votre pâté que j'ai mangé. Le mien, c'est vite dit, c'est pas si sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'aimerait pas vous voir mourir de faim pour autant. Pas vrai, Pip? Allez, mes hommes, en avant. Il y a encore bien de la route jusqu'au ponton. Bouge-toi, allez. Nous suivîmes la petite troupe jusqu'au rivage où une barque attendait. Mon forçat y fut placé. L'équipage était fait de prisonniers comme lui. Personne n'eut l'air étonné ou intéressé ou content ou désolé de le voir. Personne ne prononça un seul mot. Seule une voix grogna comme on s'adresse à des chiens. Ramez ! À la lumière des torches, nous vîmes le noir ponton, ancré à distance du rivage boueux, tel une sinistre arche de Noé. Avec ses barreaux, ses énormes chaînes rouillées, à mes yeux d'enfant, le bateau prison avait l'air aussi enchaîné que les prisonniers. Nous vîmes la barque glisser le long de son flanc, avant d'être hissée sur le côté et de disparaître. Puis les torches jetées à l'eau grésillèrent et s'éteignirent, comme si tout était définitivement terminé pour mon forçat. C'était « Les grandes espérances » de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. Premier épisode. Avec Jacques Gamblin, Pauline Ziadé, Yann Boudot, Marie-Christine Horry, Marc Barbet, Bruno Abraham Kremer, Jean-Gabriel Norman, Didier Brice, Jean-Claude Frissung, Françoise Henry, Antoine Doignon. Et les voix de Bernadette Onfroy, Malo de Latulet, Nathanaël Serrault, Alice Varenne. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Création sonore, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Manon Houssin. Assistant à la réalisation, Félix Levacher. Réalisation, Juliette Eman. Vous retrouverez le générique complet sur le site franceculture.fr.